Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gamouzo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gamouzo 107 FM. Et comme je l'avais annoncé sur Facebook, ce soir on va parler de protection animale et pas n'importe quel animal, il s'agit plus précisément des chats, vu qu'on va mettre à l'honneur ce soir l'association Le Paradis des Chats avec Marie et Magali. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. J'en profite aussi pour passer un bonsoir aux auditeurs qui sont là comme tous les soirs, hein, qui nous écoutent et qui font quelques retours. Hein, vous inquiétez pas, je suis toujours aussi attentive aux retours que vous me faites et même aux retombées qu'il y a, vu que j'en profite pour remercier les auditeurs du Potter Laquais qui sont allés faire un bonjour à Mag. Hein, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ça c'est les petits bonjours d'usage. Mais on va venir, ça y est, à vous deux. Ah non, avant de venir, c'est vrai, j'ai une annonce à faire assez importante. Ça concerne l'ADEMAT. Donc il y a jeudi 12 juillet, donc demain soir à 18h au Champ de Mars, une marche en fait organisée pour refuser la désertification médicale et l'économie sociale, hein, comme vous le savez de l'émission qui a été faite hier avec Michel. Il y a de fortes chances que les services des hôpitaux soient de plus en plus restreints jusqu'à ce que l'hôpital viable le plus proche soit Épinal. Je vous renvoie plus vers l'émission de Michel qui a plus d'informations que moi, mais en tout cas si vous voulez protester contre la désertification des hôpitaux en zone rurale et même pas que chez nous, hein, ça concerne la France entière, soyez présents au Champ de Mars de Remiremont demain, donc jeudi 12 juillet 2018 à 18h, voilà, c'est l'appel lancé. Je rappellerai peut-être en fin d'émission, vu que j'ai le papier sous les yeux, mais ça y est, maintenant je peux m'occuper de vous. Marie et Magali, vous êtes toutes les deux membres de l'association Le Paradis des Chats. Alors plus précisément, si j'ai bien compris, Marie, tu es la présidente et Magali, tu es la trésorière. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, dites-moi avant toute chose, il me semble que ce n'est pas la première fois que vous êtes là. Si vous êtes venue une première fois, c'est pour l'ouverture de votre association avec l'IA. L'association est en cours de création encore au ce moment-là. Elle allait être créée dans les semaines qui arrivaient. On attendait juste la finalisation des papiers. Donc, c'était dans la bulle de l'IA. Ça devait être courant janvier, je crois. L'IA à qui on passe le bonjour, bien entendu. Mais si vous êtes là aujourd'hui, hein, bon, on va rappeler un petit peu qui est votre association, parce que c'est quand même une première dans l'heure des loups. Et vous êtes là aussi pour un appel. En effet, vous avez subi de gros déboires récemment. Et financièrement, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va venir aussi à la cagnotte Litchi que vous avez ouverte, qui est ouverte, je crois, jusqu'à la fin de ce mois. Mais on va à nouveau présenter un petit peu votre association, votre passion autour des chats, parce qu'après tout, si j'ai bien compris, d'après les pages Facebook que tu m'as données, Marie, pour que j'en sache un petit peu plus sur ton association, c'est une passion que tu nourris pour les chats. C'est ça, c'est une passion depuis toujours, depuis toute petite. Comment c'est venu ? Ben, j'ai toujours eu des chats à la maison, on était en appartement sur Paris. On a eu un premier chat qui est décédé, donc on a eu assez dur à endurer. Et on nous a proposé un chat qui avait été trouvé dans un square, qui était malade. Donc mon premier sauvetage devait avoir 8 ans. Et puis après, on a enchaîné avec mon gros doudou Réglisse qu'on a perdu l'année dernière, donc qui avait 18 ans. C'était le premier vrai sauvetage où on est intervenu, nous, à monter sur les toits pour aller le sauver parce que la mairie voulait les faire tuer. Donc on a récupéré la portée complète, on en a placé un, on a sociabilisé les deux autres qui étaient très sauvages, qu'on a gardés. Puis après, on a commencé comme ça. C'est comme ça que ça a commencé, mais d'ailleurs, tu as dit que tu es de Paris, qu'est-ce qui t'a ramené ici dans les Vosges ? Ben, j'ai dû déménager pendant l'adolescence chez la famille de ma maman, sur Verdun, et puis après, ben, y a les études qui ont fait que je suis partie sur Nancy, puis après, ben, j'ai suivi mon conjoint dans les Vosges, parce qu'il était d'ici. Voilà. Et d'ailleurs, soit dit en passant, les animaux, c'est quand même, ce n'est pas que l'association que tu as créée, mais c'est aussi ton travail, vu que j'ai compris que tu es toiletteuse dans le secteur. J'étais toiletteuse sur Nancy. Bon, depuis qu'on est dans les Vosges, ben, j'ai pas trouvé ce que le secteur est un peu bouché. Mais je faisais ça quand j'étais sur Nancy, ouais. Ah d'accord, mais en tout cas, ça donne certaines bases pour l'approche, voilà, avec les animaux. Mmh. Et toi, Magali, il en est quoi de ta passion pour les chats ? Pareil, j'ai toujours eu des chats depuis toute petite chez mes parents. Et puis, arrivée à la maison, j'en ai eu un aussi. Et puis après, j'en ai récupéré un l'année dernière dans mon jardin. Et puis, ça a commencé comme ça. Et maintenant, j'en suis à 5 chats à la maison. En famille d'accueil, ce qu'elle a fait aussi, du coup, en plus d'être notre trésorière d'association, elle est aussi famille d'accueil. Donc, elle était famille d'accueil pour une autre association auparavant. Oui. Et puis, les choses ont fait que ça ne s'est pas forcément bien passé. Mmh. Et du coup, elle s'est retournée vers nous, elle s'est proposée. Donc, on lui a confié un premier chat. Mmh. Et bon, il y a eu des désaccords avec son chat, elle. Du coup, on a récupéré le chat, on lui a remis un autre chat qu'elle a craqué dessus. Et que j'ai gardé. Qu'elle a gardé. Et puis, du coup, là, on a eu besoin d'urgence d'une autre famille d'accueil pour des chatons qu'on venait de trouver dans une forêt, ouais, des chatons abandonnés dans les bois. Et du coup, elle s'est portée volontaire pour les prendre à sa charge en plus. Eh bien, dis donc, on va parler des familles d'accueil dans quelques instants, bien entendu, vu que ça fait partie des informations nécessaires, hein, pour présenter votre association. Mais c'est vrai que, globalement, donc, vous existez officiellement depuis fin janvier 2018. Oui. Pourquoi pas avant ? Parce que d'après ce que j'ai compris, toutes les deux, ça fait longtemps que vous faites des sauvetages, oui. Même toi. D'ailleurs, tu faisais des sauvetages bien avant depuis, et même chez toi. Le premier sauvetage qu'on a fait depuis qu'on est dans les Vosges, c'était en 2015 avec une minette qu'on a trouvée au-dessus de chez nous dans les bois qui faisait 1,7 kg. Donc un tas d'os. On n'osait même pas la toucher de peur de la casser. Donc elle, on l'a gardée parce qu'à la SPA, elle aurait été euthanasiée aussitôt. Et puis après, en 2016, on nous a abandonné 35 chatons sur le terrain. Entre 1er juin 2016 jusqu'au 10 octobre à peu près, on a eu 35 chatons de moins d'un mois, dont 15 d'un coup de 10 jours. Donc il a fallu biberonner, qu'il a fallu sauver. Puis du coup, un manque de place, on a eu besoin de familles d'accueil. Donc pour ça que Magali a intégré. Donc c'est la première à avoir intégré l'association. Avant que l'association n'existe officiellement. Et après, il a fallu trouver le reste de l'équipe, parce qu'il faut être 4 pour pouvoir monter une association, ouais. Pour intégrer le bureau, donc une présidente, une trésorière, une secrétaire. Enfin, il faut être 3. Et nous, on était 4 en plus, on a une vice-présidente, qui est aussi du milieu associatif avant d'intégrer la nôtre d'association, donc qui nous donne pas mal de coups de main, parce que du coup, elle a plus d'expérience au niveau tout ce qui est officiel. Pour les papiers, les contrats, les trucs comme ça, elle a un peu plus calée que nous. Donc du coup, elle nous soulage pas mal aussi. Elle n'est pas là, mais on fait un gros coucou si elle nous écoute. Oui, on en profite en effet pour la saluer. Mais quand même, 35 chats en l'espace d'un été, ça semble aberrant. Mais ça relève quand même de quelque chose qui est assez symptomatique, l'abandon. Parce que j'imagine que si les chats étaient abandonnés, ou n'étaient pas, pardon, abandonnés, ton association n'existerait pas. Dis-moi, globalement, ici dans les Vosges, du moins toi au sein de ton association et de ton vécu, est-ce que selon toi, les abandons de chats sont fréquents ? Très fréquent. Malheureusement, le gros souci qu'il y a, que ce soit dans les Vosges ou ailleurs, je pense, c'est la conscience des gens qui n'ont encore pas qu'il faut faire stériliser les animaux. Il faut que les gens, on a beaucoup de personnes qui nous disent « Ah non, la stérilisation, c'est contre nature, on préfère laisser faire la nature », mais ils ne se rendent pas compte qu'une femelle, aussitôt qu'elle a mis bas, elle peut être prise le jour même. C'est-à-dire qu'elle a des chatons qui ont 2 mois, elle peut avoir des nouvelles naissances, alors que les premiers sont pas sevrés. Donc le souci que ça engendre, c'est qu'en général, quand elle enchaîne plusieurs portées comme ça, elle se fatigue et elle va abandonner les plus petits. Donc les plus petits vont être laissés pour compte, donc des fois on les trouve, on peut les sauver, ou des fois malheureusement ils meurent et puis elles se focalisent sur les plus grands qui sont plus viables et moins fatigants pour elles. Donc il faut que les gens ils comprennent que non, la nature c'est pas de les laisser procréer à tout va, parce qu'une femelle, dans les lois il faut savoir qu'un chat, en tout cas dans l'élevage, c'est légalisé. Il y a une loi là-dessus, c'est normalement une femelle, pour ne pas la fatiguer, c'est 3 portées sur 2 ans. Or qu'une femelle, oui, qu'on laisse errante et qu'on laisse faire des portées, elle peut nous faire 6 portées en un été. Enfin, en une année, elle peut nous faire 6 portées en une année, quoi. Et ça représente combien de chatons au total ? Bah, une cinquantaine, quoi. Ah oui, quand même, donc 50 chatons par an. Pour une femelle. Donc après, les chatons, s'ils sont laissés dans la nature, bah, eux-mêmes vont refaire des petits, ainsi de suite. Et puis ça fait des consanguinités parce que le frère et la sœur vont reproduire ensemble, ou la mère et le fils, ou la fille et le père. Et ça fait des tares génétiques, ça fait des maladies, ça fait tout ça. On va, enfin, même pas besoin d'en parler tout à l'heure. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose, une chose sur laquelle je voulais revenir, vu que tu as parlé quand même de l'abondance des chats qui sont. Les chatons qui sont abandonnés en masse, qui sont dont on s'occupe pas forcément, mais tu as aussi soulevé un autre problème, celui des maladies, et plus particulièrement je pense du sida du chat, qu'il faut vraiment pointer du doigt, ça et plein d'autres MST de chat, donc c'est quand même fréquent, et j'imagine qu'il n'y a pas 1000 moyens de protéger les chats des non, maladies sexuellement transmissibles. Le seul moyen des maladies comme ça, c'est les vaccins pour la leucose. Il n'y a pas de vaccin pour le sida, mais au moins pour la leucose. Et puis les faire stériliser pour éviter justement qu'ils cherchent à aller vers d'autres, et puis les faire tester. Nous, on le fait systématiquement. Un chat, quand il part à l'adoption, il est testé systématiquement au sida pour éviter toute contamination. Parce qu'un coup de griffe suffit pour contaminer un autre chat. C'est pas que sexuellement transmissible. C'est par le sang, comme nous, pour le sida de l'humain, c'est par le sang aussi. Donc un coup de griffe suffit pour contaminer un autre chat. Mais par contre, le sida du chat n'est pas, c'est une maladie incurable ? C'est une maladie incurable, oui. C'est pareil, une déficience du système immunitaire. C'est le même principe que le sida de l'être humain. C'est déficience du système immunitaire, donc il peut vivre toute une vie sans aucun souci. Un chat d'intérieur vivra bien plus longtemps qu'un chat d'extérieur en ayant le sida. Parce que déjà, s'il est à l'extérieur, il va contaminer d'autres chats, il va se bagarrer, donc il sera plus sensible aux infections, il va être en contact avec du coryza. Donc une fois qu'il a le coryza, son système immunitaire est défaillant, donc il ne pourra plus combattre. Il va être en relation avec du typhus, il va être en relation avec la pif, avec plein de maladies qui sont pour la plupart inoffensives pour des chats adultes, mais des chats atteints du sida, ils vont pas survivre, quoi. En effet, et les différentes maladies, on va en reparler dans quelques instants parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous êtes là. Mmh. Mais on va peut-être s'écouter une première pause musicale intitulée « Dans ma rue » de Zaz. Hein, toi, tu récoltes les chats qui sont dans la rue et Zaz fait une chanson sur la rue. Donc, on s'écoute ce premier morceau et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père rentre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui dans tout le cœur. Dans ma rue, y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu ne vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faut revoir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à sortir le soir. Y'a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans nuit. Quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis ce silence qui me fait froid dans tout mon cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de client. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fait peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On entend sangloter et dans la nuit, quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie. Et j'en peux plus, j'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Cauchemar est fini. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez sans aucun problème appeler au 03 29 62 40 40 pour réagir en live ou pour poser des questions à mes invités Marie et Magali. Ou sinon, vous pouvez aussi sans aucun problème passer par notre page Facebook Radio Guémozo. Je me ferai un plaisir de lire vos messages à l'antenne. En attendant, on est toujours, comme je le disais, avec Marie et Magali de l'association Le Paradis des Chats, qui d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, se trouve à Saint-Étienne-lès-Miremont. Donc nous sommes voisins. C'est ça. Et je récapitule un petit peu. Vous existez officiellement en tant qu'association depuis janvier 2018. Vous êtes là pour sauver des chats. Et on a, juste avant la pause musicale, soulevé le problème des maladies des chats. Et d'ailleurs, une des raisons de votre présence. Parce que si j'ai bien compris ce que vous avez véhiculé sur les réseaux sociaux, vous avez subi une grosse épidémie récemment, c'est bien ça ? C'est ça, ouais, une épidémie de typhus qui est à 99% mortelle pour les chatons et les vieux chats. Donc, et 100% quand c'est pas pris à temps. Là, ouais. Ça a été pris dès le départ, et malgré tout, on en a perdu 8 sur 13. Ah oui, c'est quand voilà. même Donc il nous en reste 5. 5 survivants... dont ils sont en plus ça reste, la maladie reste en eux pendant plusieurs semaines. Donc malgré là ils sont sortis d'affaires, les 4 survivants ne risquent plus rien. Par contre ils sont encore contagieux pendant au moins jusque mi-août. Donc c'est toute une logistique derrière pour éviter la contagion du restant de la chatterie, parce qu'on n'a pas que eux, on a aussi des adultes et des nouveaux chatons qu'on a récupérés entre temps. Donc là le principal de tout ce qu'on fait, c'est de limiter la propagation tout en s'occupant de tout le monde. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer le principe du typhus, peut-être comment l'identifier et comment le prendre en charge ? Alors le typhus se caractérise souvent par des fortes diarrhées, des vomissements dans quelques-uns des cas, c'est pas systématique, et un fort abattement. Donc l'animal va être plié sur lui, il va plus bouger, il va plus manger, il va avoir de la fièvre. Et la suite à la fièvre, ça va être complètement l'inverse, il va tomber en hypothermie. En hypothermie, merci. Et en général, c'est même quand ils en sont là, c'est déjà trop tard. C'est quand il y a le premier cas, c'est là qu'il faut prendre en charge et traiter tout le monde. Donc c'est des soins très coûteux, des soins lourds, donc c'est de l'interféron, donc un médicament, même pour nous humains, qui est servi pour les cas de cancer ou d'hépatite ou choses comme ça, c'est des traitements très très lourds qui affaiblissent aussi le système immunitaire. Et puis il y a tout ce qui est antibiotiques et tout derrière pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, quoi. Puis les réhydrater, parce que du coup, qu'ils se vident, ils perdent toute leur eau. Et pour un chaton, à savoir s'il perd 20 grammes, on se dit c'est que 20 grammes, mais c'est 10% de son poids. Ah oui, c'est énorme. Donc c'est énorme, un chaton qui fait 300 grammes, il perd 20 grammes par jour, au bout d'un moment il tient plus, il est trop faible, et c'est pour ça que les chatons sont les premières victimes de cette maladie. Et d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas eu que le typhus qui a frappé votre refuge? Non, là aussi, on a tout eu d'un coup. On avait eu le coryza, une grosse épidémie de coryza au mois de novembre, donc on a réussi à s'en sortir. On n'était encore pas une association, mais on avait 37 chats quand même au moment-là, qu'on a dû traiter tous par antibiotiques et plein d'autres médicaments. Et là, on a eu le typhus, on a eu la PIF, donc la péritonite infectieuse féline. Donc c'est un peu l'équivalent d'une appendicite qui éclate et qui fait une grosse infection derrière. Et puis on a eu un cas aussi d'hépatite, donc qui ressemble beaucoup à la PIF. Oui. Et malheureusement, les deux doudous-là nous font quitter. C'est encore une fois fatal. Par contre, j'avais entendu dire que la PIF pouvait être contagieuse. La PIF, c'est une maladie assez compliquée. C'est 60% de la population féline en sont atteintes. Mais à savoir, en fait, ils sont, la plupart du temps, ils sont contaminés dès la naissance par leur mère. Et la PIF mortelle, c'est la PIF qui a muté. Donc c'est le virus qui a muté au contact d'une autre PIF. Donc il faut que l'animal rencontre deux fois la maladie pour la déclarer. La plupart des chats l'ont en eux et n'ont jamais de soucis. Et c'est quand ils rentrent en contact une deuxième fois avec la PIF que le virus mute et que là, c'est fatal. Voilà. Et c'est comme ça qu'après cette grosse épidémie que les caisses de l'association ont été mises à mal. C'est ça. Je pense que Magali est peut-être à même de me répondre en tant que trésorière de l'association, parce que j'imagine comme l'association n'a pas une existence très ancienne, il n'y a peut-être pas beaucoup de fonds dessus et peut-être pas beaucoup d'aides ou de subventions. Alors, comme ça fait moins d'un an que nous sommes créés, on n'a pas le droit à des subventions. Et là, on a une facture chez le vétérinaire qui s'élève à plus de 1000 euros. 1800 et quelques exactement. Sachant qu'on a encore d'autres soins à faire, vacciner, pucer les autres qui doivent partir en adoption. Et on n'a pas beaucoup d'argent sur le compte, donc ça devient très compliqué. Au début de l'épidémie, on était à moins de 300 euros sur le compte. Ouais. Et là, on a une facture de 1800 euros. Oui, donc on a eu la chance, bon, c'est encore pas fait. Pour l'instant, on est en train de faire les papiers. Normalement, tout est à jour, donc on n'attend plus qu'ils fassent le geste. On a contacté plusieurs fondations comme Brigitte Bardot, qui est la seule à nous avoir répondu présent pour nous soutenir, parce que on a vu avec 30 millions d'amis qui nous ont dit « Vous n'avez pas un an d'existence, on ne peut rien faire pour vous ». Et quant à la fondation Brigitte Bardot, nous avait un peu répondu la même chose, mais nous a rappelé derrière en nous disant « Écoutez, c'est un cas exceptionnel, les chats sont en danger de mort, donc on va vous aider, on va payer la facture pour le typhus ». Donc les 800 euros du typhus, normalement, sont pris en charge par la fondation, mais il reste 1000 euros par rapport aux vaccinations qu'on a fait, par rapport à l'hépatite, parce qu'il y a eu des soins, il y a eu plein de tests qui ont été faits pour trouver ce qu'il y avait, pour essayer de le sauver. Il a été hospitalisé pendant 2 semaines, il y a eu plein de trucs, parce qu'on fait tout. Quand un animal, enfin nous on part du principe comme ça, un animal malade, on va pas aller au plus court et dire bon, il y a peut-être rien à faire, on euthanasie, on n'en parle plus. Nous, on va se battre jusqu'au bout pour essayer de sauver, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il y a à sauver. Quoi. On baisse pas les bras. On est toujours là derrière pour essayer de faire tout ce qu'on peut, quitte à nous rendre malades même, pour venir à bout de tout ça. Quoi. Et vous avez quand même réussi à voir le bout, du moins au niveau de la santé des chats. Maintenant, ce qui pêche, c'est le côté financier. Voilà, c'est ça. Tu viens de dire que la Fondation Brigitte Bardot prendra normalement en charge une partie, surtout pour le typhus. Ouais. On en profite peut-être pour les remercier ce geste. Mais comme tu l'as dit, ça ne suffit pas et c'est pour ça que vous avez ouvert une cagnotte sur le site de collecte participative, je crois, Litchi. Oui, c'est ça. L-E-E-T-C-H-I. Là où aussi, hein, on peut participer à certains frais pour aider, pour enflouer un petit peu les caisses de l'association. Mais je le rappelle, hein, c'est pas pour vous, c'est pour... Non, c'est vraiment pour l'association, pour payer les frais vétérinaires qu'on doit. Quoi. Pour l'instant, on a un bon vétérinaire aussi qu'on remercie parce que malgré la facture qui s'allonge, il continue à nous prendre en charge. Là, on a encore rendez-vous la semaine prochaine pour des vaccinations pour les chatons avec Magali en famille d'accueil chez elle qui doivent partir à l'adoption parce qu'ils sont réservés. Donc c'est urgent, on est obligé de le faire. Le principe de l'association, c'est que tout chat qui rentre et qui sort de chez nous est testé pour le sida. Il est vacciné, identifié et stérilisé. C'est le principe de l'association. Donc c'est des frais qu'on est obligé de sortir et qui ne rentrent pas forcément tout de suite derrière pour combler les trous. Quoi. Oui, en effet, parce que ça coûte cher. Et d'ailleurs, dis-moi, c'est systématique pour toutes les associations? Normalement, systématique pour toute association. Oui. Voilà, ou même peut-être pour tout particulier qu'un chat soit pucé, vacciné, identifié. Normalement, dans les lois, tout chat doit être stérilisé et doit être identifié. Maintenant, d'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure pendant la pause musicale, on ne peut plus donner de chat ou on ne peut plus vendre de chat si le chat n'est pas identifié. Un chaton, c'est pareil, on ne peut plus mettre d'annonce si le chaton n'est pas forcément identifié, mais il faut au moins que la mère soit identifiée. Donc sur Le Bon Coin, on ne peut plus mettre d'annonce comme ça. Il n'y a que Facebook. Certains sites de vente d'animaux sur Facebook autorisent encore sans identification parce qu'ils se sont aperçus que depuis la sortie de la loi, ça avait provoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abandons. Et d'ailleurs, dis-moi, l'identification d'un chat, ça coûte cher ? C'est avec la consultation, c'est dans les 60 euros, je crois, quelque chose comme ça. Bah, il me semble que c'est moins cher qu'une stérilisation, même. Oui, pour une femelle, c'est moins cher qu'une stérilisation. Après, ça dépend des vétérinaires aussi. Il y a des vétérinaires qui sont très chers, il y en a d'autres qui sont moins chers. Et dis-moi, donc, tu penses, peut-être que Magali pourra dire si elle est d'accord ou pas, que ces abandons de chatons, c'est aussi par rapport à cette loi où on est obligé d'identifier les chats pour pouvoir les donner à quelqu'un d'autre? Oui, je pense clairement que ça a eu beaucoup d'impact dessus. La loi est tombée en 2016. Oui. Et c'est l'année-là qu'on a eu les 35 chatons sur notre terrain. Ah oui. Ça faisait... nous, on est là depuis... on a acheté en 2012. Donc, depuis 2012, on est là. On n'a jamais eu d'abandon auparavant sur notre terrain. C'est tombé vraiment l'année du passage de la loi. Donc, je pense qu'il y a un rapport fort par rapport à ça, oui. Et voilà, donc c'est important de le rappeler qu'abandonner un animal, hein, quel qu'il soit, c'est pas bien, mais au moins le donner dans de bonnes conditions. Et c'est passible de peine de prison aussi, à savoir que tout abandon, que ça soit abandon ou maltraitance, c'est passible de, je crois, il y a une amende déjà. Il y a une amende qui peut s'élever très très cher, jusqu'à hauteur de 25 000 euros, jusqu'à 9 mois de prison, et interdiction de reposséder un animal derrière. Mais d'ailleurs, dis-moi, j'imagine, sans nuancer, sans excuser les abandons, par exemple, sur les aires d'autoroute, il y a peut-être dans certains contextes où on ne peut peut-être plus garder son animal, par exemple, si une personne part en maison de retraite ou si l'animal est trop malheureux ou a trop de problèmes de comportement, c'est aussi passible d'une amende. C'est aussi passible d'une amende, parce que les personnes là qui font, ils ont toujours la solution de contacter une association. Nous, c'est ce qu'on fait là. Voilà. Actuellement, on a un des chats qu'on a perdu justement suite à l'hépatite. C'est un chat qui a des problèmes de comportement. Donc la personne nous a contacté pour le prendre. Là, on en a deux en ce moment, dont un qui est en maison de retraite chez nous, parce qu'on fait maison de retraite pour les vieux chats. Oui. À partir de 14 ans, on prend les chats qui sont de particuliers où les gens ne peuvent plus garder parce qu'ils partent en maison de retraite. On propose, donc on demande un contrepartie financière évidemment à l'année, mais on propose de prendre le chat et de s'en occuper jusqu'à la fin de ses jours. Au moins, ils sont sûrs qu'il ne partira pas à la SPA où il sera euthanasié, ou nous, on est sûr qu'on ne va pas le garder sur les bras parce qu'on n'arrivera pas à le placer, c'est des sous qui nous coûtera. Du coup, on demande une participation, le chat il reste chez nous, là on en a un, Doudou, qui a 14 ans, s'il reste jusqu'à ses 20 ans, il restera jusqu'à ses 20 ans, mais les frais sont payés par la famille, puisqu'il participe aux frais à l'année. Donc ça c'est C'est une forme d'abandon, mais beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus mature ou responsable. C'est le mot que je cherchais. Merci Magali. Parce qu'en effet, il ne faut pas excuser l'abandon, mais au moins... Il y a toujours des solutions, des associations qui sont prêtes à le prendre. Nous, on en a plusieurs dans le cas-là. Et en plus, on donne des nouvelles. Tant qu'ils ne sont pas partis, là, on en a un autre, Caramel. La mamie est en maison de retraite. Elle a au moins 90 ans. Elle pleure au téléphone d'émotion parce qu'on lui dit... on lui raconte un peu ce qui se passe dans la vie du chat depuis qu'il est chez nous. Donc là, il va dehors, il fait sa petite vie, il rentre, il sort. Elle est toute contente d'avoir des nouvelles, mais elle sait que quand il partira à l'adoption, il y aura un suivi aussi derrière. Donc elle aura toujours des nouvelles, donc elle est contente de savoir qu'elle a pu son chat, elle ne peut plus le voir, elle ne peut pas se déplacer, mais derrière, il est bien, il a un suivi, il a tout. Il est heureux aussi. Voilà. Donc, autant dire que les choses sont bien faites, hein, les associations font bien leur travail. Donc il y a peut-être un appel qu'on va passer aux personnes qui n'ont toujours pas compris que c'est important de bien prendre soin de ces animaux. On va passer cet appel avec un morceau de Pink Floyd, un Comfortably Numb de l'album The Wall. Donc on s'écoute cette parenthèse sonore et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Comfortably Numb de Pink Floyd de l'album The Wall, pour ceux qui connaissent. Qui ne connaît pas The Wall de Pink Floyd, hein. Enfin, tout le monde connaît, ne serait-ce que le film. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre sur Pink Floyd, hein, sinon on va en passer des heures. Mais si vous voulez réagir à l'émission ou même aux pauses musicales qu'on passe, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez toujours réagir au 03 29 62 40 40 ou sur notre page Facebook Radio Gémozo. Voilà, c'est toujours avec plaisir que je transmettrai vos messages. D'ailleurs, non, ça ne concerne pas l'émission, le message que j'ai reçu. Enfin bref, on a parlé juste avant des situations d'abandon, hein, de quoi c'est passible et ce qu'il faut faire si on peut pas garder son chat. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'autre côté du miroir. Si on se trouve face à un animal abandonné ou perdu, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, la première chose, c'est aller chez le vétérinaire, voir si l'animal est identifié ou pas. Ouais. Et aller voir sur Pet Alert. Donc, c'est un site sur Facebook. Maintenant, ils ont créé une application, donc on n'est plus obligé d'aller sur Facebook. Mais c'est la plateforme principale, c'est quand même Facebook. Donc, c'est Pet Alert 88 pour les Vosges, ça peut être 55 pour la Meuse. C'est vraiment le site qui regroupe tous les animaux perdus ou trouvés. Les vétérinaires s'en servent, les associations s'en servent, la SPA s'en servent pour essayer de retrouver les propriétaires quand on a des chats, qu'on récupère des chats, ou même quand nous on en perd, ça arrive. On passe toujours sur Pet Alert pour essayer de les retrouver. Et donc voilà, là il y a moyen de trouver, mais ça concerne pas les chats, ça concerne aussi les chiens et d'autres. Les chiens, ça concerne tous les animaux, que ce soit lapin, des fois on voit des brebis, des fois on voit des chevaux, on voit des perruches. C'est vraiment la plateforme pour tous les animaux trouvés ou perdus. Et Pet Alert, c'est une plateforme qui concerne que la France, l'Europe, le monde entier? La France, sûre. Après, une fois passé les frontières, je ne sais pas du tout. Je sais que la France, oui, c'est par département. Et ça fonctionne. C'est les vétérinaires, je crois, il me semble, qui ont mis ça en place il y a quelques années maintenant. Bah, en tout cas, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de plutôt bien rodé, parce que c'est par là que les vétérinaires passent. Ou, j'imagine, vous aussi, parfois, oui. Si vous trouvez des chats, pour être sûr qu'il n'a pas de propriétaire. Parce que tu m'avais dit avant l'émission que ça vous est arrivé de recueillir des chats pas farouches, déjà castrés. Ben, ça, là, on en a plusieurs. Là, on a récupéré il y a un mois un beau petit chaton tout noir sur le secteur de Nol, le syndicat, donc aux alentours de Vanier. Le monsieur a trouvé un chaton sur son terrain, donc il nous a contactés. Nous, on y a été plusieurs heures après. Le chaton était toujours là, mais il avait 3 mois au moment-là. Très gentil, très sociable, propre, pas de puce. Donc on se dit, le chat là, il est à quelqu'un. On l'a mis sur Pet Alert, ça fait un mois, malheureusement, personne ne s'est manifesté. Il n'est pas identifié, d'où l'importance aussi d'identifier son animal, car même si c'est un chat qui ne sort pas, il suffit d'une fois qu'il se sauve, surtout s'il n'est pas habitué à aller dehors, si quelqu'un le trouve, il est identifié, on retrouve tout de suite le propriétaire. S'il n'y est pas, malheureusement, les recherches sont bien plus longues, et des fois, on n'y arrive pas, quoi. Et des fois, parfois, le propriétaire ne retrouve jamais son chat. Il finit par trouver une autre famille. Et d'ailleurs, les familles d'accueil, parlons-en, parce que qu'est-ce qu'une association de protection animale ou de recueil d'animaux sans bénévoles et sans famille d'accueil? D'ailleurs, on peut parler très rapidement des bénévoles. Il y en a beaucoup dans votre association? On en a une. Pour l'instant, qui est active. On en a d'autres en attente. On attend de pouvoir, en fait, parce que là, du coup, qu'on débute, qu'on a... La structure est en cours de création, donc les chats qui sont au refuge, c'est dans mon domicile à moi. Oui. Les autres sont en famille d'accueil. On n'a encore pas fait de collecte ou de choses comme ça en magasin. Donc pour l'instant, les bénévoles, ça a été là par rapport au typhus qu'on en a eu vraiment besoin pour tout nettoyer, pour tout bouger, pour tout désinfecter, parce que c'était important de le faire pour limiter la propagation du typhus et pour l'éradiquer. Même, c'est même pas juste pour le limiter, c'est pour l'éradiquer. Et, donc là, pour l'instant, on a une bénévole active qui fait partie de Saint-Étienne d'ailleurs. Et on en a une autre en attente que je sais que si j'ai besoin, je peux l'appeler, mais elle habite sur la Bresse. Elle est déjà un peu plus loin. Et si jamais un auditeur a peut-être envie de devenir bénévole pour l'association, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait, c'est possible, oui. Et comment est-ce qu'il le fait? J'imagine qu'il doit peut-être vous contacter. Il doit nous contacter, et puis en fonction des disponibilités de chacun, donc ça soit de la part du bénévole ou de nous, on essaye de se rencontrer, et puis après c'est sur le tas ce qu'il y a à faire. Il y a ça, et puis... en général, ça passe bien. Aujourd'hui, là, on a fait la première expérience de bénévolat aujourd'hui. Et ça s'est plus que bien passé. mieux que ce qu'on aurait espéré. J'imagine. Et parmi les bénévoles, non, c'est peut-être pas pareil, les bénévoles et les familles d'accueil. Non, c'est pas du tout la même chose. Les bénévoles, ils n'ont pas à charge les animaux chez eux. Ils viennent à l'association, ils viennent aider s'il y a du ménage à faire, s'il y a des soins, s'il y a des biberonnages à faire, s'il y a... Enfin voilà, là, entre autres, c'était les collectes. Et après, les familles d'accueil, elles, on leur confie à charge... là, comme Magali, déportée complète. Des fois, c'est la maman avec les chatons. Des fois, c'est des chats sauvages. Des fois, c'est des chats comme notre vice-présidente a eu une vieille minette de 15 ans qui était dans un état plus que lamentable. Donc là, après, c'est aussi une histoire de confiance. On ne peut pas confier un animal à n'importe qui. Donc ça dépendra déjà de son milieu d'habitation. Si elle a déjà plein d'animaux, on ne va pas lui mettre une portée complète. On ne va pas lui mettre une maman avec des petits. On va lui en mettre un, à la limite. S'il y a des enfants. Après, s'il y a des enfants aussi, on ne va pas lui mettre un chat sauvage s'il y a des enfants. On essaye de, au cas par cas. Et aussi au niveau confiance, comme Anaïs, donc notre trésorière, notre vice-présidente, qui a eu à charge Mimine, donc une vieille minette de 14 ans, enfin de 10-15 ans à peu près. Il fallait avoir confiance pour lui laisser, parce qu'il y avait des gros soins à faire médicaux, donc des bains de pâte tous les jours, désinfecter, des médicaments à donner. Il fallait quelqu'un de très rigoureux pour pouvoir la soigner et puis lui la remettre sur pattes, quoi. Voilà, parce qu'être famille d'accueil, d'après ce que j'ai compris, ça se fait pas comme ça, ça se fait pas en un claquement de doigts. On n'acceptera pas toutes les personnes qui se proposeront non plus. Mais j'imagine que vous êtes ouvert à des personnes qui se proposent en tant que famille d'accueil. Voilà, c'est ça. Et tu as dit c'est au cas par cas, donc j'imagine qu'il y a peut-être un entretien. Il y a un entretien, on fait une visite chez la personne pour voir les lieux, pour voir déjà si, s'il y a une pièce qui est réservée à l'animal, parce que c'est toujours mieux déjà pour une quarantaine au début, parce que surtout là, dans le cas là qu'on a eu le typhus, on n'a pas pu. D'habitude, on les rentre chez nous avant, on les met en quarantaine, on attend de savoir s'ils sont tous en bonne santé et tout. Là, on n'a pas pu le faire. Donc il a fallu. Donc les chats ont été accueillis, ils ont été vus par le vétérinaire avant toute chose. Première chose qui a été faite, c'est la visite chez le vétérinaire pour une première visite, voir s'ils n'avaient pas le sida, voir s'il n'y avait pas de grosses maladies visibles. Mais après, ils ont été mis directement en famille d'accueil, mais en quarantaine. Donc il leur faut une pièce dédiée rien que pour eux, et progressivement les intégrer à la famille, à tout ça. Voilà, on les met pas directement avec les animaux de la famille parce qu'on ne sait jamais. Comme là, nous, le typhus, on ne sait pas comment le typhus il est arrivé. Si c'est quelqu'un qui est venu chez nous, si c'est le dernier chat qui est rentré. Voilà, c'est les maladies, on ne sait jamais comment ça arrive. Donc, on essaye de limiter un maximum tout risque, quoi. Oui, j'imagine, bien sûr, j'entends. Donc, on a parlé donc, des différentes parties. Il y a les bénévoles d'un côté, les familles d'accueil de l'autre. Et forcément, l'idéal pour les chats, c'est qu'ils finissent par être adoptés. Comment ça se passe? Alors, déjà, on a le premier contact avec les adoptants potentiels. Donc, on se fait une idée, parce que par message ou par internet, on se rend pas compte vraiment, parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi, laisser paraître une certaine image et qu'en fait, on ne sait pas qui est derrière l'écran. Donc, on préfère rencontrer les personnes, discuter avec elles, un peu voir les attentes qu'elles ont. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir un chat indépendant, d'autres qui vont vouloir un chat plutôt peau de colle, plutôt mâle, plutôt femelle, chat d'intérieur, chat d'extérieur. Enfin, c'est pas un chat n'est pas modelé, ils sont pas tous pareils, ils ont chacun leur caractère, chacun leur façon de vivre. Donc on essaye de faire au mieux pour que la famille trouve vraiment le chat qui lui correspond et que le chat ait la famille aussi qui lui correspond. Le chat, il va... Et certains, moi je marche aussi comme ça, c'est le chat qui adopte son propriétaire. Il y a certains chats qui vont venir, il y a des chats qui vont être plus fugueurs par rapport à une personne que d'autres, et qui vont avoir le contact plus facile vers une personne plutôt qu'une autre. Donc on sait que le chat là, avec la personne là, ça passera bien, qu'avec une autre, il aura tendance à être plus fugueur, plus craintif. Donc on essaye de faire en fonction des attentes des gens et du besoin des animaux aussi. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, donc là tu as dit déjà s'assurer que le cadre est bon pour le chat pour ne pas qu'il finisse à nouveau à l'abandon, parce qu'après tout ça reste un traumatisme pour un animal. C'est ça, ouais. Je rappelle quand même aux auditeurs que les animaux sont des êtres vivants sensibles, qu'ils ressentent des émotions, qu'ils ressentent la douleur, ils sont capables de faire des projets. Enfin, on va pas s'étendre là-dessus parce que mademoiselle aime bien faire des émissions sur le véganisme, mais mais voilà, hein, c'est scientifiquement prouvé que les animaux sont des êtres vivants sensibles. La seule chose qu'ils ont peut-être pas comme nous, c'est que ben, la parole. On parle. Ils ont pas la parole. Ils ont la parole, mais on parle pas la même langue en fait. Mais sinon, voilà, ce sont des animaux non humains et nous sommes des animaux humains. Enfin, ça c'est la petite parenthèse. 3615 véganisme. Bonjour. Et pareil. Je suis pas végane pour autant, pas encore, mais la cause animale c'est quelque chose de très important, les auditeurs le savent très bien, et oui d'ailleurs tant que j'y pense, je peux peut-être vous poser la question, est-ce que vous en tant qu'association de protection animale ou même protection des chats, vous voyez qu'il y a un certain engouement, un certain entrain et un vrai investissement en fait autour de la protection animale? De plus en plus, je trouve que de plus en plus les gens prennent conscience de choses, après il faudrait que ça continue, le mouvement continue de s'étendre et de s'élancer, mais il y a de plus en plus de personnes qui vont vers les associations, qui proposent leur aide, qui vont faire des dons ou qui vont chercher à adopter plus dans une association que chez un particulier. Oui. Déjà pour une bonne raison, c'est que quand on passe par un particulier, on ne sait jamais vraiment s'il a été soigné, s'il est déparasité, s'il a des maladies antécédentes. Le chat ne part, il n'est pas identifié, pas vacciné, pas stérilisé. Que par une association, même les frais d'adoption sont inférieurs aux frais réunis de la stérilisation, identification et vaccination pour un particulier. Ah oui. Oui, ça reste moins cher que de le faire nous-mêmes, enfin qu'un particulier le fasse lui-même en passant par un vétérinaire. Parce que, dites-moi ça, vous êtes la deuxième association de protection animale que je reçois. Est-ce que vous avez des tarifs association avec un vétérinaire? Oui, on a des tarifs association auprès du vétérinaire, là, entre autres de Vanier. Ok. Et à la SPA aussi, hein, quand on va adopter un animal, il y a des frais, enfin une espèce de frais d'adoption, ouais. Voilà, pour participer aux frais qui ont été déboursés pour l'animal. Est-ce qu'on peut se faire peut-être une idée de combien ça coûterait, entre guillemets, de prendre un animal chez nous? Nous, on demande pour toute adoption, que ce soit chaton, femelle ou mâle, on demande 150 euros pour l'adoption. Donc, sachant que le chaton, que ce soit un chat ou un chaton, il part identifié, vacciné, déparasité complètement, donc vermifugé et antipuce, est stérilisé. Les chatons ne partent pas stérilisés parce qu'ils sont trop petits pour être stérilisés. Nous, on part du principe. Certains le font. Certains les neutralisent avant l'âge de 6 mois. Personnellement, je trouve que c'est un peu trop tôt. C'est traumatisant pour eux. Oui, c'est ça. Voilà, c'est traumatisant pour eux. Donc nous, on préconise les 6 mois. Donc quand un adoptant va venir adopter un chaton, on fait un bon de stérilisation du montant que nous, on paye en clinique vétérinaire. Ouais. Donc, s'ils vont chez notre vétérinaire à nous, ils ne payeront pas un centime de plus. Ils donneront le bon, ils n'auront rien à payer, c'est l'association qui paye les frais. Ouais. Par contre, s'ils vont dans une autre clinique, les vétérinaires sont en droit de demander la différence par rapport à leur tarif. Ce qui se comprend, mais encore une fois, une raison de plus d'aller adopter un animal dans une association, hein, ça peut donner certains avantages, même financiers, hein, comme tu le disais, un animal qui sort d'une association... Y a rien à faire, voilà, dessus, à part à la limite clean, hein. le vaccin, nous ils partent primo-vaccinés. Le rappel. Dans certains cas, suivant le nombre de mois qu'on l'a, on a eu le temps de faire le rappel de vaccin. Dans certains cas, comme les chatons, en général, le rappel de vaccin reste à la charge de la famille d'adoption. Mais les trucs les plus coûteux, là, je vois, si on prend rien qu'une stérilisation de femelle en prix plein, c'est 110 euros. Oui. Sans compter la vaccination, sans compter l'identification. Oui, donc après, ça commence à chiffrer. Voilà, ça peut monter jusqu'à plus de 200 euros pour faire la totale. Donc nous, en passant par nous, ils gagnent déjà 50 euros sur les frais... sur les frais qu'ils auraient s'ils faisaient tout eux-mêmes, quoi. Et donc, oui, vous permettez à des particuliers qui prennent des animaux ou des chats chez vous d'avoir des avantages. Vous avez des avantages, mais bon, vous avez aussi subi une grosse vague qui a fait bien mal, vu que vous avez en ce moment une cagnotte Litchi qui est ouverte jusqu'à la fin du mois, hein, pour vous aider un petit peu financièrement. Car après tout, hein, ce sont les petites rigoles qui font les grandes rivières. C'est ça, et tout l'aide. À fait. Même si c'est que 5 euros, c'est 5 euros, mais 5 c'est euros fois 10, ça fait déjà 50 euros, quoi. Donc, Et je précise aussi, avant la pause musicale, que c'est déductible des impôts, les aides, les dons. Les dons, tout à fait, sont déductibles des impôts. Donc, si c'est fait par Litchi,

Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo. C'était la troisième et dernière pause musicale de cette édition de L'Heure des Loups. Donc c'était Ta Marinière de Oshi. Et si vous voulez encore réagir à l'émission, bien que le temps manque, vous pouvez toujours par téléphone au 03 29 62 40 40 ou en écrivant sur la page Facebook Radio Guémozo, envoyer un petit message. Il n'y a aucun problème, hein, je transmets vos messages sans aucun problème. Et on est pour les 4 dernières minutes ou 3-4 dernières minutes qui nous restent avec Marie et Magali, donc l'association Le Paradis des Chats. D'ailleurs, j'en profite pour déjà donner la page Facebook que je rappellerai, ou peut-être pas vu le temps qui reste. Mais bon, vous avez une page Facebook, donc c'est Association Le Paradis des Chats qui sera taguée sur le podcast de l'émission pour les auditeurs qui suivent un petit peu l'actualité sur Facebook. Et vous avez aussi une cagnotte Litchi qui sera mise quelque part en lien aussi, je pense, sur le podcast, sur notre site internet. Donc, cagnotte Litchi, il suffit de taper Le Paradis des Chats et puis on trouve. Donc, pour aider un petit peu à payer les frais que vous avez dû débourser pour des grosses épidémies que vous avez traversées, parce qu'après tout, ce sont des choses qui arrivent quand on recueille des chats, hein, on ne sait pas forcément d'où ils viennent, on ne sait pas c'est forcément ce qu'ils ont. On ne connaît pas toute leur histoire non plus. Chaque chat a son histoire, mais ils ne peuvent pas nous la raconter. Donc on devine dans certains cas, mais voilà, chaque... c'est pas leur passé pour tous, quoi. Mais ça ne vous empêche pas de vous décourager. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais pour les dernières minutes qui restent, vous avez combien de chats? Enfin, l'association accueille combien de chats? Là, on est à une vingtaine. Bon, sachant qu'on en a perdu 10 en une semaine. Ah oui. Voilà. Famille d'accueil comprise ou juste? Non, juste chez nous. Après, en famille d'accueil, on en a autant à peu près. Il y en a 4 qui vont arriver. Ça fait déjà 7 chez Anaïs. Oui, chez Anaïs, il y en a 4. À Vanier, il y en a 4 aussi. 5 avec la maman, plus les bébés qui vont naître parce que la maman est déjà gestante. On l'a récupérée, était déjà gestante. Donc on en a autant en famille d'accueil. Ça fait au moins une quarantaine. On a une quarantaine de chats à charge de l'association. Ouais. Et ces chats, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais... Ils vivent où au sein de l'association? On ne va pas parler des familles d'accueil parce qu'on a... Alors au sein de l'association, les chats vivent chez nous, dans notre maison. Donc nous, on les garde plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils soient habitués à nous, jusqu'à ce qu'ils soient habitués aux autres chats et à chez nous avant de leur laisser accès à dehors. Sachant que là où on habite, on est en pleine forêt, on n'a pas de voisins, il n'y a pas de grande route à proximité, ils ont la nature pour eux. Donc une fois qu'on est sûr qui sont bien adaptés au milieu intérieur, on leur laisse accès à dehors. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a que 2 sur les 30 qu'on a. On n'en a que 2 qui ne sortent pas. Donc voilà, les chats ne sont pas enfermés. Non, ils ne sont pas en cage, ils vivent vraiment chez nous. Ils sont sur le canapé, il n'y a que les chambres qui n'ont pas accès parce qu'ils sont trop nombreux. Oui. Mais sinon, ils ont accès à toutes les pièces de la maison. Ils vivent vraiment avec nous comme si c'était... Ils vivent avec nos chats à nous. Mmh. On ne fait pas de différence entre... On faisait de l'élevage, donc on a nos chats d'élevage, on a nos chats de famille, on a nos chats de l'association. Ils sont tous ensemble. On ne fait aucune différence de traitement pour aucun que ce soit, quoi. Voilà, et c'est ça la beauté de l'amour qu'on porte aux animaux. Vous en accueillez beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, et vous les aimez, vous les soignez comme vous pouvez, hein, jusqu'au bout. Vous faites vraiment tout ce que vous pouvez. Vous avez quand même réussi à sauver des chats de l'épidémie que vous avez traversée. Mmh. Je pense que c'est ça qu'il faut souligner. Vous avez quand même réussi à en sauver. Ce sont des êtres vivants sensibles. Sauvé. Et voilà, c'est important de le dire, de le rappeler. Donc si quelqu'un veut peut-être se joindre à vous ou en savoir un petit peu plus, il faut passer sur votre page Facebook, j'imagine. On peut passer ailleurs ou on peut on peut nous appeler, on peut passer à l'association directement. Mais on préfère encore là pour l'instant je suis en vacances, donc on peut passer pratiquement en tout temps les après-midi. Après, c'est toujours mieux de prévenir avant, d'être sûr, parce qu'on peut être en déplacement pour des sauvetages à droite, à gauche, pour des nourrissages sur des points. Donc c'est toujours mieux de prévenir avant pour passer, être sûr qu'on est là, pas faire la route pour rien. Bien sûr. Mais après, les personnes peuvent venir directement, on peut nous appeler nous, on peut appeler... on a des flyers sur lesquels il y a le numéro, il me semble, de Magali et d'Anaïs. Il y a nos dessus. 3 numéros. Voilà, il y a nos 3 numéros dessus. Donc même si quand moi je suis pas joignable, on est toujours une de nous 3 disponibles pour répondre aux questions, pour tout, que ce soit même Magali qui pourtant est la trésorière et n'est pas sur le même secteur, elle a réussi à avoir dans sa boîte aux lettres, elle a eu des chèques pour l'association directement dans sa boîte aux lettres alors que son adresse n'apparaît nulle part d'ailleurs. Ah oui. Je sais pas comment, mais... par mes contacts. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est possible de faire des dons aussi pour l'association. Hein. Les temps sont durs pour les associations, ouais, quelles qu'elles soient. Et donc, pour vous aussi, surtout vous qui n'avez pas un an d'existence, hein, c'est important de le rappeler. Ouais. Donc, je rappellerai encore une fois la cagnotte Litchi au moment de se dire au revoir. Mais ça y est, le générique pointe le bout de son nez. Donc, avant de se dire au revoir pour de bon, je fais déjà la programmation de la soirée. Pas de ce qu'il faut savoir avec Antoine, il a des problèmes de santé, donc il nous rejoindra plus tard, hein, un autre jour, mais il s'excuse auprès de vous. Toutefois, vous aurez ce soir, alors si je ne me trompe pas, ça doit être Mosaïque avec Vincent, suivi de minuit à 1h, la rediffusion de la bulle de l'IA qui a annoncé un événement, alors que je m'approche de l'ordinateur pour lire, c'est le festival Les Pluralies de Luxeuil-les-Bains. Donc pour en savoir plus, hein, ça se passe sera de minuit à 1h, mais ce sera encore une fois rappelé vendredi pour les auditeurs qui ont l'habitude. Vendredi avec Lou, c'est le billet de sortie. Et l'émission que vous venez d'écouter à l'instant sera rediffusée demain matin de 7h à 8h, suivie de la chronique de Michel. Et pour les petits curieux qui n'auront pas la patience d'attendre demain, l'émission sera sur notre page Facebook Radio Guémozo ou sur notre site internet radioguémozo.eu, rubrique L'heure des loups, avec tous les liens que j'ai indiqués. Donc le lien de la cagnotte Litchi est sur Facebook, la page de l'association qui sera automatiquement taguée. Enfin bref, pour les connaisseurs, ils ont l'habitude. Et on se retrouvera demain 18h-19h pour parler de musique. Un jeune lycéen qui se fait appeler Cosmos, qui vient de l'association Airplay, qui va venir parler de son art et de l'album qu'il a sorti. Et forcément, hein, comme il y aura musique, il y aura mon consultant Mika. Donc si tu nous écoutes, coucou et puis à demain. Et puis voilà. Donc merci beaucoup Magali et Marie, pardon, pour votre présence et pour toutes ces informations, informations qui seront encore une fois rappelées, je le rappelle, sur la page Facebook et le site internet. En tout cas, bon courage, hein, vous découragez pas, le plus important c'est tenir le bon bout et oui, courage. Merci à vous de nous avoir invités. Merci beaucoup. Et merci aussi d'ailleurs aux éditeurs d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout, comme d'habitude. Enfin bref, je ne vous retiens pas plus longtemps, c'est l'heure de dîner. Donc merci encore pour votre attention et vos retours. Quand il y en a, n'hésitez pas à en faire, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et on se donne rendez-vous demain, même heure, sur Radio Guémozo. Bonne soirée à tous.